Bonsoir, merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici tout de suite les titres de cette édition. 11 Burundais parmi les 462 expulsés des États-Unis d'Amérique pour cause d'irrégularité sont au Kenya et ont comparu devant le tribunal kenyan pour expliquer comment ils ont utilisé frauduleusement les passeports kenyans pour se rendre aux États-Unis. Cela ressort d'une enquête que l'Observatoire pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, dit avoir mené. Vous en entendrez ces précisions. La Fédération nationale du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, ne comprend pas pourquoi les fiches d'évaluation de performance de l'année 2023-2024 n'ont pas encore été transmises au ministère de la fonction publique alors qu'elles permettent aux fonctionnaires d'obtenir des avantages. Le ministère de la fonction publique dit les avoir envoyées, mais pas en totalité. En province Gitega, alors que les propriétaires des terrains réservés aux avenues de la sous-colline Kukimanga, mesurant 12 mètres, s'opposent à l'idée d'être refusés de semer les haricots. Ils trouvent que les 12 mètres sont injustes comparés à d'autres qui ne dépassent pas 6 mètres. Notre correspondant nous en dira plus. Vous êtes avec Doré Bingabile, Eric Wimana assure la mise en œuvre. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. La Fédération nationale du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, dit ne pas comprendre pourquoi les fiches d'évaluation de performance de l'année 2023-2024 n'ont pas encore été transmises au ministère de la fonction publique. Le président de cette fédération explique que ces fiches attestant des notes obtenues sont celles qui permettent aux fonctionnaires d'obtenir des avantages et grades. Antoine Manouma demande aux autorités du ministère de la fonction publique, conjointement à celle du ministère de l'Éducation, de vider cette question. On l'écoute. Depuis le 1er mai jusqu'au 30 juin de l'année, c'est la période d'évaluation des performances. À la fin de cette période, les chefs supérieurs et hiérarchiques remettent aux fonctionnaires les fiches d'évaluation des performances et transmettent les copies au ministère de l'Éducation et au ministère et à la fonction publique dans ses attributions. Les avantages liés à l'évaluation sont pris en compte à partir du 1er juillet. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous sommes étonnés du retard enregistré dans la transmission au ministère de la fonction publique des fiches d'évaluation de l'année 2023-2024, clôturée le 30 avril 2024. Dans la lettre du 4 février 2025, que le ministre et la fonction publique a adressé à ses collègues, il a indiqué que les fiches d'évaluation des performances des fonctionnaires à sa disposition ne dépassent pas 50% de celles attendues. Autrement dit, l'année 2024-2025 va bientôt prendre fin sans que les fiches de performance de l'année écoulée soient valorisées. Et la responsabilité première revient au ministère sectoriel, en commençant par le chef de service. D'après les informations qui nous parviennent, les fiches d'évaluation des performances ne sont pas encore disponibles au lycée Reine de la Paix de Ngagara. Nous demandons que cette question soit vidée dans les meilleurs délais par les autorités du ministère de l'Éducation conjointement avec celles du ministère de la fonction publique. Sur cette question, le porte-parole du ministère de la fonction publique explique qu'ils ont transmis ces fiches, mais qu'ils ont envoyé peu qui ne correspondent pas à l'effectif des fonctionnaires. Magnus Patrice Nyandoui affirme qu'ils ont rédigé des lettres aux autorités habilitées, leur rappelant que les fiches transmises sont insuffisantes pour que le problème soit résolu. Le président du syndicat FENASEB n'a pas suffisamment d'informations, car le 22 avril 2024, le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi a envoyé des fiches vierges aux différents départements ministériels pour que les employés soient cotés. Et jusqu'au 13 novembre 2024, le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi a constaté que peu de fiches d'évaluation complétée était tombée dans ses murs. Et il a fallu écrire une autre lettre par laquelle le ministère demandait aux différents départements ministériels de se rassurer que toutes les fiches d'évaluation des performances ont été transmises à la fonction publique, car jusque-là, peu de fiches étaient parvenues dans notre ministère. Et comme si cela ne suffisait pas, c'était le 4 février 2025, le ministère de la fonction publique a encore une fois écrit aux différents départements ministériels une correspondance dont l'objet était rappel de transmission des fiches d'évaluation. Et avec cette lettre, le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi redemandait encore une fois aux différents ministères de renvoyer la cotation qui a été faite à leur personnel. Ici, je dois dire que la fonction publique ne peut rien faire lorsque dans ces mis, il n'y a pas encore des cotations. D'autant plus que ce n'est pas la fonction publique qui cote, mais ce sont de différents départements ministériels qui vont coter les personnels et puis nous renvoyer la note pour que la gestion des carrières fasse la suite au bénéfice du fonctionnaire public. Je vous l'avais dit dans les titres, 11 Burundais d'entre les 462 qui sont sur la liste de ceux qui vont être expulsés des États-Unis d'Amérique pour cause d'irrégularité sont au Kenya, à Nairobi, pour subir un interrogatoire, révèle l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère. Dans un communiqué sorti ce samedi, le président et le représentant légal de cet observatoire expliquent que c'est pour connaître les mobiles qui les ont poussés à se rendre frauduleusement aux États-Unis sous la casquette de la citoyenneté kényane. Prime Mbarubukeye demande au gouvernement de suivre de près cette situation. Plus de 10 migrants burundais irréguliers figurant dans les 462 déjà expulsés sont déjà arrivés à Nairobi au Kenya et ont déjà comparu devant le juge pénal kényan pour être interrogés sur les mobiles qui les ont poussés de tomber dans l'illégalité en changeant leur passeport lorsqu'ils sont arrivés au Kenya en provenance du Burundi, en se débarrassant donc de leur passeport burundais pour chercher les passeports kényans, leur permettant ainsi de se rendre très facilement aux États-Unis et au départ de l'immigration illégale. Selon toujours nos sources d'une deux fois, arrivés aux États-Unis, ces Burundais migrants illégaux ont encore une fois jeté leur passeport kényan afin d'avoir très facilement le statut de réfugié aux États-Unis afin de bénéficier quelques années plus tard, après 2 ou 3 ans, de la nationalité américaine. Malheureusement, toutes ces manigances organisées par ces Burundais migrants clandestins ont été découvertes par le gouvernement américain qui a pris la décision de les renvoyer au Burundi comme tant d'autres citoyens migrants illégaux provenant d'autres pays du monde entier. L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale a vraiment apprécié très positivement la position du gouvernement burundais qui y est ressorti dans le communiqué de presse du ministère des Relations extérieures et de la coopération au développement du 3 février 2025, qui a vraiment plaider pour que ces renvois de ces Burundais migrants illégaux se fassent dans le respect des droits humains. De ce qui précède donc, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale voudrait demander au gouvernement du Burundi de suivre de près la situation de ces migrants burundais illégaux déjà expulsés par les États-Unis, mais qui n'ont pas encore atterri sur Bujumbura, afin que les États-Unis les réservent vraiment un traitement digne de la personne humaine là où ils se trouvent actuellement et de tout faire diplomatiquement pour que tous les migrants burundais illégaux déjà emprisonnés dans certains pays africains soient libérés et rapatriés au Burundi. La radio de l'avenir. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI. Et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans le site de cette édition, il s'observe une divergence entre le chef de Colline Lukoba en commune et province Gitega et les propriétaires des terrains où passeront les avenues de 12 mètres de large à la sous-colline Kukimanga. Cette autorité les empêche de semer le haricot de la saison culturelle B dans les espaces réservés à ces avenues. La population concernée s'y oppose, arguant que les 12 mètres sont injustes vu d'autres du reste de la colline qui ne dépassent pas 6 mètres. Cette population dit s'être adressée au directeur général de l'Oboura et ce dernier leur a expliqué que le traçage des avenues tient compte des normes. Gérard Nibigira. Les travaux de viabilisation par intégration de la colline Lukoba dans le cadre d'extension de la ville de Gitega ne sont pas compris de la même façon par les habitants de la dite colline, du moment que les avenues déjà délimitées ont des dimensions de largeur différentes, les unes ayant une largeur de 12 mètres, les autres ayant une largeur de 6 mètres, voire moins. Ainsi, par exemple, au niveau de la sous-colline Kukimanga, il y a plusieurs avenues de 12 mètres de large, tandis qu'à la sous-colline Kukabashikiro, il y a des avenue de 6 mètres de large, voire moins. Cela fait donc que les habitants de cette sous-colline Kukimanga, dont les terrains seront traversés par ces avenues de 12 mètres de large, grognent et considèrent ça comme un phénomène de deux poids, deux mesures. Leur grogne est exacerbée par le fait qu'il y a des maisons et clôtures portant des signes indiquant qu'elles seront démolies au moment où certains propriétaires des terres traversées par ces avenues de 12 mètres de large voient leurs terres trop sensiblement amenuisées. Il demande que toutes les avenues aient les mêmes dimensions de 6 mètres de large. Cela étant, le chef de colline Lukoba Ngenda Kumana Celeste a interdit le semis des haricots pour cette saison culturelle B dans des espaces qui serviront d'avenue. Cela pour des raisons de rendre ces espaces plus visibles afin de faciliter le développement de la colline Lukoba, désormais devenue quartier, surtout en matière de son électrification. Toutefois, les personnes dont les terrains seront traversés par les avenues de 12 mètres de large disent qu'ils vont s'aimer des haricots car ils ne reconnaissent pas ces avenues aussi larges que ça et indiquent qu'ils se sont déjà adressés au directeur général de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Bura et attendent sa réaction. En outre, le directeur général de l'Oboura, docteur ingénieur lieutenant colonel Leonidas Nibigira, révèle que les techniciens de cette institution usent de toutes leurs connaissances dans la conception des travaux de viabilisation d'un site donné tout en privilégiant l'intérêt général. Il ajoute qu'ils essayent de minimiser les démolitions et pertes tout en soulignant que pour les cas de restructuration des sites comme c'est le cas à Lukoba, ils rencontrent plusieurs difficultés pour convaincre tous les occupants du site. Depuis Gitega, Jeanne Bigila pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Élevage pour boucler cette édition. L'élevage des lapins ne peut pas booster l'économie du pays sans toutefois mener des études approfondies pour sur cette activité. Ceci est dit par Faustin Dikoumane, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités PARSEM après le lancement du projet Sungura Net chargé de multiplier les lapins récemment importés de la France. Néanmoins, Faustin Dikoumane trouve que l'élevage des lapins peut contribuer à l'économie de familles qui ne sont pas capables de faire l'élevage de gros bétail qui exige beaucoup de moyens. Normalement, l'élevage de lapin relève de ce qu'on appelle l'économie familiale. Là, alors, c'est une décision individuelle au niveau de la famille pour analyser si l'investissement sera rentable. Parce que jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'il y ait une étude prouvant que l'élevage peut-être de lapin est plus rentable que celle des poules ou des moutons ou des chèvres ou des porcs. Peut-être, c'est le contexte actuel où on dit que l'élevage du gros bétail exige des moyens qui échappent actuellement la population, qui ne sont plus à la portée de la population, vu même l'exiguïté des terres actuelles. Mais ça relève de la décision individuelle. Si on donne une deuxième étape, ça peut être un industriel qui investit, qui dit je vais investir dans la multiplication de lapins, je vais même essayer d'exporter la viande de lapin, je vais faire tout ça. Mais là où ça dépend de l'environnement des affaires, dans le passé, c'est un investissement colossal. Il peut même avoir besoin de certains outils importés. Tout cela, le contexte de l'importation, vous le connaissez actuellement. Donc si c'est un investissement aussi conscient, ça dépend de l'environnement des affaires actuelles pour s'engager dans de tels investissements. Au troisième niveau, on peut parler au niveau macro. Normalement, quand on pour dire qu'un secteur peut être porteur de croissance économique dans un pays, il faut analyser les avantages comparatifs que ce secteur procure. Vous savez, dans les modèles économiques qu'on choisit pour relever les économies des pays, on analyse les secteurs qui seraient prioritaires et qui pourraient remorquer d'autres. Donc jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'il y a une étude qui prouve qu'au Burundi, le Burundi a un avantage comparatif par rapport à l'élevage de la paix pour que l'économie se base directement sur cet aspect. Je crois qu'il faut voir peut-être son contexte. On a tendance à dire aux citoyens d'aller vers le petit bétail suite au contexte, mais toutefois, il y a encore des citoyens qui peuvent faire l'élevage du gros bétail. On ne peut pas abandonner les vaches. Je crois que le problème, c'est qu'il n'y a pas une étude, il n'y a pas un environnement des affaires bien suivi, bien analysé. Sinon, il y a la décision individuelle de quelqu'un, l'environnement des affaires et les avantages comparatifs qu'un pays a. Et c'est sur cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre oreille attentive et fidèle. Vous étiez avec Doré Bingabile, Eric Ouimana, assuré la mise en onde. Je vous laisse avec Jean Bosco Ndouimana. Il a lu la presse pour nous. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Hémorragie, titre le journal Iwachu dans son éditorial, rappelant un autre titre d'un article publié dans le magazine Iwachu il y a plus de 10 ans, « Pourquoi nous prend-on les meilleurs ?» Cette enquête mettait en lumière l'hémorragie visible dans les structures sanitaires et éducatives du pays, où l'on voyait médecins et professeurs d'université quitter en masse leurs postes pour des pays voisins ou européens. La quête d'un avenir meilleur à travers un salaire décent, une stabilité administrative et des conditions de travail satisfaisantes motivait cet exode massif, écrit ce confrère. Malheureusement, au lieu de se dissiper, le phénomène persiste et s'accentue même ces derniers temps. Plusieurs médecins ont ainsi décidé de démissionner. C'est leur droit, direz-vous, mais il s'accompagne souvent d'intimidations, de menaces, voire d'incarcération, regrette l'éditorialiste de cet hebdomadaire. Comme le suggère la Fédération nationale des syndicats du secteur de la santé, plutôt que de recourir à la force, l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu trouve que le gouvernement devrait engager un dialogue franc et constructif avec ses professionnels de la santé qui nous soignent, diagnostiquent les maladies et sauvent des vies. Toujours à ce sujet, un blogueur du collectif IAGA se demande s'il faut emprisonner ceux qui réclament leurs droits et rappelle qu'aux grands mots, les grands remèdes. En effet, souligne-t-il, la revendication de revalorisation salariale du travail des médecins est loin d'être en fait isolée. Elle s'inscrit bien dans un contexte de précarité économique qui mine bien des Burundais depuis quelques années, lequel contexte ne cesse de s'empirer avec la situation économique actuelle, plus marquée par une inflation croissante constamment animée par des pénuries imparables des produits de base. Le médecin ne peut donc pas être en reste. Ce blogueur du collectif Yaga fait sien un adage de la sagesse burundaise selon lequel « Umugabo yikora ku cyafise » ou, pour les plus satiriques, « Imenirisha iziritse » à défaut de grive, on mange des merles. Qui donc a eu l'idée de réserver un coup de muscle à une situation dorénavant imposée par des lois naturelles, s'interroge-t-il encore. Dans tous les cas, lance au blogueur, l'emprisonnement des médecins est loin d'être une solution aux problèmes actuels. Encore moins, il est loin de s'inscrire dans le bien des citoyens lambda et qui ont besoin de leurs services en santé. Revue de la presse. L'association Albinos Sans Frontières alerte sur le manque des dispositifs de protection contre les rayons solaires, rapporte l'agence burundaise de presse. Lors d'une interview accordée à la BP, le secrétaire exécutif est chargé de projets au sein de cette association a précisé que ces dispositifs sont entre autres les crèmes solaires et vaseline pharmaceutique pour protéger la peau contre les rayons solaires et le dessèchement, les chapeaux, les vêtements à longues manches, les parapluies et les lunettes protégeant leurs yeux. Ferdinand Ndakumana a indiqué en outre qu'ils reçoivent ces dispositifs du ministère de la Santé et de l'OMS, surtout lors de la Journée mondiale de l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année, ajoutant que tous les albinos ne sont pas en mesure de s'en procurer à cause de leur cherté. Il a aussi révélé à l'ABP que par manque de ces dispositifs, certains cas d'albinos souffrant du cancer de la peau s'observent surtout dans les provinces de Kirundo et Muyinga. Il tire la sonnette d'alarme au gouvernement de prendre le devant pour la disponibilité de ces dispositifs, surtout en accordant des exonérations aux organisations ou personnes qui veulent les importer. Immatriculation des embarcations de pêche, rapporte l'agence Net Presse. En effet, précise ce journal, l'autorité maritime, ferroviaire et portuaire a commencé l'opération d'immatriculer toutes les embarcations de pêche afin de renforcer la sécurité dans le lac. Le propriétaire d'une embarcation de pêche de deux pirogues doit payer 105 dollars américains. Cette opération a déjà eu lieu sur les ports de pêche de Magara, de Rumonge, de Karonda, d'Onvugo et de Nyagatanga, dans les communes de Rumonge et de Nyanzalak. C'était au cours de la semaine passée, a indiqué à son confrère Godelivni Nahazwe, directeur général de l'autorité maritime. Elle explique dans les colonnes de son quotidien en ligne que cette immatriculation va permettre aux propriétaires de bateaux d'avoir accès à un crédit en plus de la sécurité qui sera renforcée, car toutes les embarcations de pêche seront identifiées. Les pêcheurs demandent que les frais d'immatriculation soient revus à la baisse. Note le journal Net Presse. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.